الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Toujours dans la lecture et la traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre de la prière de l'éclipse. On avait cité deux hadiths, le hadith de Aïcha radiallahu anha et le hadith de Abu Mas'ud, Uqba ibn Amir, Al-Ansari, radiyallahu anha, qui se propose pour nous réciter le hadith de Aisha, radiyallahu anha. Fadallah. الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم ماذا يفعل قبل الصلاة فكبر فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. أحسنت. بارك الله فيك. الحديث ده أبو مسعود كي سي بروبوز. تفضل أخ. عن أبي مسعود عقبة بن عامر الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أحسنت بارك الله فيك. رواه البخاري ومسلم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 45 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا رواه البخاري ومسلم وفي لفظ فاستكمل 44 رواه مسلم. Le 145e hadith, selon Aisha radiallahu anha, elle dit: une éclipse solaire a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est levé Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a présidé la prière. Il est resté longtemps debout, puis s'est incliné et est resté longtemps incliné. Puis il s'est levé et est resté longtemps debout, mais pas aussi longtemps que la fois précédente. فأطال القيام وهو دون القيام الأول. Professeur Sam s'est remis debout, mais il n'est pas resté aussi longtemps que la première fois. Puis, il s'est incliné et a prolongé son recours sans pour autant atteindre la longueur du recours précédent. Puis, il s'est prosterné et a prolongé sa prosternation. Puis il a fait dans la seconde raka'a ce qu'il a fait dans la première. Puis il est parti lorsque le soleil est réapparu. Il s'est alors adressé aux gens, a loué Allah et a fait ses éloges, puis a dit, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent pas suite à la mort d'une personne, ni suite à sa naissance. Lorsque vous voyez cela, invoquez Allah, proclamez sa grandeur, priez et donnez en aumône. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô communauté de Muhammad, par Allah, il n'y a pas une personne, nulle, n'éprouve plus de ghayra. Comment traduire ghayra? Pas l'envie, non. Ghayra, on pourrait traduire, c'est un sentiment de révolte. Un sentiment de révolte qui résulte de pas mal de choses. C'est traduit par la jalousie, mais c'est plus que la jalousie. C'est pas la jalousie dans le sens de vouloir le bien de quelqu'un, non. C'est dans le fait d'être révolté. Non, c'est pas la rancœur. C'est un sentiment de révolte. C'est un sentiment de révolte suite à quelque chose de réprimandable. Pour vous donner un exemple de la ghayra, pour comprendre le sens, sans pour autant exprimer le terme qui convient, c'est le hadith, de Sa'd ibn Ubad, radiallahu anhu, qui a dit que s'il voyait un homme avec sa femme, qu'est-ce qu'il ferait? Il le frapperait d'une épée et il utiliserait le côté tranchant de cette épée. Cette information, cette parole de Sa'd, est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, Ata'jabuna min ghayrati Sa'd. Est-ce que vous vous étonnez de cette ghayra de Sa'd? Wallahi ana aghyaru minhu. Par Allah, j'ai plus de ghayra que lui. Wallahu aghyaru minni. Et Allah a plus de ghayra que moi. Et c'est par la ghayra d'Allah qu'il a interdit al-fawahish ma zahara minha wa ma batan. Et c'est par la ghayra d'Allah qu'il a interdit la turpitude, celle qui est apparente comme celle qui est cachée. Donc la ghayra, c'est le sentiment de révolte suite à un acte réprimandable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô communauté de Muhammad, par Allah, nul n'a plus de ghayra qu'Allah lorsqu'un de ses serviteurs commet la fornication ou lorsqu'une de ses servantes commet la fornication. Ô communauté de Muhammad, par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez beaucoup et vous pleuriez, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et dans une version de Muslim, Aisha radiallahu anha cite que le professeur Hassan a fait 4 inclinaisons et 4 prosternations. Al-Gharib. Les termes qui méritent explication dans le hadith. أولا أغير يجوز فيه الرفع على أنما تميمية والنصب على جعلها حجازية وهو الأولى. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, والله ما من أحد أغير. Le ما ici, il y a deux sortes de ما. Il y a le ما qui est appelé تميمية et l'autre حجازية. الما تميمية, eh bien, le khabar, il est marfou'. Le khabar de ma al-tamimiyya est marfou', et le khabar de ma al-hijaziyya est mansoub. Et ici, c'est ce que dit Cheikh al-Bassam, rahimahullah, que c'est ce qui est le plus recommandé, à savoir que ici, ça doit être mansoub. Pour cela que le professeur Hassan a dit, ma min ahadin aghyara min Allah. ثانيا ومن زائدة مؤكدة في الوجهين من vient ici appuyer le fait qu'Allah عز وجل éprouve de la غيرة وأغير أفعال تفضيل من الغيرة بفتح بالفتح وهي الأصل وهي في الأصل تغير يحصل من الحمية والأنفة ونثبتها لله إثباتا يليق بجلاله. Ici الغيرة, Cheikh al-Bassam donne une explication qui est à la base, qui signifie à la base un changement, tarayur, un changement qui a lieu par un sentiment, min al-hamiyati wal-anafa. Al-hamiya, c'est un sentiment de protection, et al-anafa, c'est un sentiment de fierté. Donc c'est le sentiment de protection qu'éprouve la personne et la fierté qu'elle a qui va la pousser à avoir de la ghayra vis-à-vis de d'une chose qui provoque la colère d'Allah Azza wa Jal et qui est condamnable islamiquement. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du dayyuth. Al-dayyuth, c'est celui qui constate dans sa famille des choses qui sont contraires à l'islam et qui se tait, qui ne dit rien, qui accepte cela. Sa femme ne met pas le hijab, ou ses enfants ne font pas la prière, ou et il reste insensible à cela. Il ne fait rien, comme s'il approuvait toutes ces désobéissances qui sont au sein même de sa famille. Lui, il est considéré comme un dayyuth. Quant à celui qui s'efforce de réformer sa famille, qui s'efforce de les conseiller pour qu'ils se conforment aux directives de l'islam, bien sûr, ils n'entrent pas dans cette catégorie de dayyuth. Al-ma'na al-ijmali. Khasafat ash-shamsu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu 'alayhi wa sallam. Faqama fa salla bin-nas fa atala al-qiyam bihaythu quddira biqira'ati surati al-Baqarah. ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو أخف من الركوع الأول ثم سمع وحمد ثم سجد وأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل الأولى حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات ثم انصرف من الصلاة وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وحدث أن صادف ذلك اليوم الذي حصل فيه الخسوف موت ابنه إبراهيم فقال بعضهم كسفت لموت إبراهيم جريا على عادتهم في الجاهلية من أنها لا تكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم أراد النبي صلى الله عليه وسلم من نصحه وإخلاصه في أداء رسالته ونفع الخلق أن يزيل ما علق بأذهانهم من هذه الخرافات التي لا تستند لا إلى نقل صحيح ولا إلى عقل سليم فقال في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يجريهما الله تعالى بقدرته ليخوف بهما عباده ويذكرهم نعمه فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى تائبين منيبين وادعوا وصلوا وكبروا وتصدقوا ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يفصل لهم شيئا من معاصي الله الكبار التي توجب غضبه وعقابه ويقسم في هذه الموعظة وهو الصادق المصدوق يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه أن يزني عبده أو تزني أمته ثم بين أنهم لا يعلمون عن عذاب الله إلا قليلا ولو علموا ما علمه صلى الله عليه وسلم لأخذهم الخوف والفرق ولضحكوا سرورا قليلا ولبكوا واغتموا كثيرا ربنا أجرنا من عذابك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ووالدينا ومشيخنا وأقاربنا والمسلمين أجمعين آمين. Le son général de ce hadith. Le soleil s'est éclipsé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam s'est levé à présider la prière et resté longtemps debout. Il est resté debout tellement longtemps que la durée a été citée comme étant approximativement égale à la lecture de Sourate Al-Baqarah. Sachant que Sourate Al-Baqarah, en la lisant vite, on la lit en 45 minutes. Si on la lit doucement, c'est facilement une heure et demie. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est incliné et resté longtemps en inclinaison. Puis il s'est levé et a dit « Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd ». Puis il a lu longuement, une longueur plus petite que la première lecture. Puis il s'est incliné et resté longtemps en inclinaison, mais une inclinaison plus légère que la première. Puis il s'est relevé en disant « Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd ». Puis il s'est prosterné et resté longtemps en prosternation. Et il a fait ainsi lors de la deuxième rak'at. Il a fait dans la deuxième rak'at comme il a fait dans la première. Jusqu'à avoir accompli au total 4 inclinaisons et 4 prosternations. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la prière. Et au moment où le soleil est réapparu, il s'est alors adressé aux gens et les a exhortés en louant, en proclamant la louange d'Allah et en faisant ses éloges. Et l'apparition de cette éclipse a coïncidé avec le jour dans lequel le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim est décédé. Certains ont dit, le soleil s'est éclipsé, ou l'éclipse solaire a eu lieu à cause de la mort d'Ibrahim. Car, il était de leur coutume, dans la période anti-islamique, que les éclipses n'apparaissaient que lorsqu'une personne immense venait de mourir, ou lorsqu'une personne immense venait de naître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il veut conseiller sa communauté, parce qu'il était sincère sallallahu alayhi wa sallam, dans la transmission de son message, a voulu éradiquer ces idées fausses qui existaient encore dans les esprits, des idées fausses qui n'ont de source ni dans un texte authentique, ni à travers une raison saine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dit dans son discours que le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent ni à cause de la mort d'une personne, ni à cause de sa naissance. C'est-à-dire les éclipses sont des choses qu'Allah azza wa jalla fait apparaître afin de faire peur à ses serviteurs et afin de leur rappeler ses bienfaits sur eux. Et si vous voyez cela, si vous constatez l'éclipse, alors précipitez-vous vers Allah en étant repentant, en l'invoquant, en priant, en proclamant la grandeur d'Allah et en donnant des aumônes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ses compagnons, radiallahu anhum, certaines des grandes désobéissances à Allah, qui provoquent la colère d'Allah et son châtiment. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a juré dans son exhortation, malgré que ce soit le plus véridique des véridiques, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô communauté de Muhammad, par Allah, nul n'a plus de ghayra qu'Allah au moment, personne n'a plus de ghayra, nul n'a plus de ghayra qu'Allah lorsque son serviteur commet la fornication. Ou lorsque sa servante commet la fornication. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ses compagnons et à sa communauté par la suite qu'ils ne connaissent du châtiment d'Allah que très peu. Et que s'ils savaient ce que savait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient été pris de frayeur et de terreur qui les auraient amenés à rire moins et à pleurer et à être beaucoup chagriné. Puis, le Cheikh al-Bassam, rahimahullah, a fait une invocation à Allah azawajal en demandant à Allah azawajal de nous préserver de son châtiment et de nous faire entrer dans sa miséricorde qui englobe toutes choses, ainsi que nos parents, nos mashayikh, ceux qui nous sont proches et l'ensemble des musulmans. Amin. تنبيه تلاحظ أن في صفة صلاة الكسوف تفصيلا لا يوجد في الحديث الذي معنا وقد أخذته من الرواية الأخرى عن عائشة الموجودة في الصحيحين أيضا الموجودة في الصحيحين أيضا لتكمل الفائدة. الشيخ البسام في une première remarque en disant, tu remarqueras que dans la description de la prière de l'éclipse il y a des détails qui ne sont pas présents dans le hadith de Aïcha que l'on explique actuellement. Parmi ces détails, la longueur de Sourate al-Baqarah, le fait de dire Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd et d'autres détails qu'a cité Cheikh al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Qu'il a cité d'une autre version de Aïcha, également rapportée par Al-Bukhari et Muslim, afin que cela soit bénéfique et pour y apporter une description des plus complètes de cette prière de l'éclipse. Tanbihun akhar. Waradat salatul kusufi ala kayfiyatin muta'addida. Minha al-amru bis salati mujmalan, wa minha rak'atan. ومنها أربع ركعات ومنها ست ركعات ومنها ثمان ركعات ومنها عشر ركعات وفي كل هذه الوجوه لم يرد إلا أربع سجدات رويت هذه الأوجه المتعددة مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لذا رجح الأئمة الكبار والمحققون حديث عائشة الذي معنا على غيره من الروايات وهو أربع ركعات وأربع سجدات وما عداها فقد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري والشافعي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. La deuxième remarque que fait Cheikh al-Bassam رحمه الله, c'est qu'il a été rapporté dans la prière de l'éclipse plusieurs façons de la faire. Il a été rapporté l'obligation de prier de façon générale, sans donner de détails. Il a été rapporté le fait de faire deux raka'at. Il a été rapporté quatre raka'at, six raka'at, huit raka'at, dix raka'at. Et dans chacune de ces façons, il n'a été rapporté qu'à chaque fois quatre prosternations. Il n'a été rapporté à chaque fois que quatre prosternations. Cela veut dire que, par exemple, dans la version où il y a six raka'at, cela fait combien de prosternations et combien d'inclinaisons? Quatre. quatre prosternations et six inclinaisons. Là, on parle de afwan. Moi, c'est les non. C'est pas des raka'at, proprement dit. Quand on dit raka'at ici, c'est un rukou'. Il a été rapporté 2 rukou', 4 rukou', 6 rukou', 8 et 10. Mais, dans toutes ces façons, il n'a été rapporté que 4 sujoud. Donc en fait, c'est toujours 2 raka'at, mais la divergence est sur le nombre de rukou', et non pas d'unité de prière. Car s'il y avait 10 unités de prière, il y aurait eu combien de sujoud? 20. Il y aurait eu 20 sujoud. Le fait que dans toutes ces façons de faire, il n'y a que 4 sujoud, cela prouve que dans toutes ces façons, tout d'abord, il n'y a que 2 unités de prière, mais que la divergence, elle est sur le nombre de rukou'. Soit il y en a 2, soit il y en a 4, 6, 8 ou 10. Puis, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit, مع أن الخسوف مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Alors que l'éclipse a eu lieu qu'une seule et unique fois au temps du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pour cela que les grands imams et les savants de l'islam considèrent que le hadith de Aïcha, qui est avec nous actuellement, est ce qu'il y a de plus authentique, et c'est ce qu'il faut prendre en compte, à savoir 4 rukou' et 4 sujoud. 4 rukou' et 4 sujoud. Car toutes ces versions, est-ce qu'on peut dire il est autorisé de faire de temps en temps 4, 6, 8, ou est-ce que l'on dit la vérité elle est unique? Et il n'y a qu'une seule façon qui est vraie. Il y a une seule version, car elle n'a eu lieu qu'une seule fois. Si elle avait eu lieu plusieurs fois, on aurait dit, le prophète Sam, de temps en temps, on a fait 4, de temps en temps, on a fait 6. Mais là, cette prière de l'éclipse n'a eu lieu qu'une seule et unique fois au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela que les grands savants, et les citent ici, Cheikh Al-Bassam, comme l'imam Ahmed, l'imam Al-Bukhari, l'imam Al-Shafi'i, et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah prennent en compte et considèrent le hadith de Aïcha radiallahu anha qui stipule 4 rukou' et 4 sujoud. اختلاف العلماء اختلاف العلماء هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة أم لا فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه ليس لها خطبة وذهب الشافعي وإسحاق وكثير من أهل الحديث إلى استحبابها لهذه الأحاديث والأرجح في التفصيل وهو أنه إن احتيج إلى الخطبة وإلى موعظة الناس وتبيين أمر لهم استحبت كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم وإن لم يكن ثم حاجة فليس هناك إلا الدعاء l'istighfar ou as-salah. La divergence des savants. Premièrement, la divergence des savants. Les savants ont divergé concernant la prière de l'éclipse. Est-ce que le discours qui a lieu quand? Après la prière. Est-ce que le discours est recommandé ou non? Al-Hanafiyyah, Al-Malikiyyah et Al-Hanabila disent qu'il n'y a pas de khutbah. Et l'imam Al-Shafi'i, Ishaq et beaucoup des gens, et beaucoup parmi les gens du hadith, disent que la khutbah est recommandée pour preuve ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a exhorté les gens. Et Cheikh Al-Bassam dit, et l'avis le plus prépondérant, c'est de spécifier, de détailler. Quel est ce détail? S'il y a un besoin d'exhorter les gens, de les sermonner, pour leur montrer un jugement, une chose, Alors, il est recommandé de le faire comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens ont dit que l'éclipse solaire a eu lieu à cause de la mort d'Ibrahim. Et s'il n'y a pas de besoin d'exhorter les gens, alors il n'y a que l'invocation, la demande de pardon et la prière à accomplir. Ma yu'khadhu min al-hadith. Ce que l'on retient du hadith. Awalan, wujud khusuf al-shams ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, que l'apparition, le fait qu'une éclipse solaire a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, mashru'iyatu as-salah wal jumhur 'ala annaha sunnatun mu'akkadah. Deuxièmement, que cette prière de l'éclipse est légiférée et la majorité des savants considèrent que c'est une sunna mu'akkadah. Troisièmement, al-ityanu bis-salah على الوصف المذكور في هذا الحديث وقد فصلناها بالشرح مستمدين بعض التفصيلات من الرواية الأخرى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. Troisièmement, que cette prière de l'éclipse doit être accomplie conformément à la description présente dans ce hadith. Et nous avons détaillé l'explication ou la description de cette prière en nous aidant de détails et d'informations supplémentaires citées dans l'autre version du hadith de Aïcha rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Rabi'an, mashru'iyatu at-tatwil biqiyamiha wa ruku'iha wa sujoudiha. Quatrièmement, qu'il est légiféré d'allonger la station debout, l'inclinaison et la prosternation. Et on verra dans le hadith suivant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait cette prière comme il n'allongeait aucune autre prière. Khamisan, كون كل ركعة أقل من التي قبلها دفعا للضجر والسآمة. Cinquièmement, on retient de ce hadith le fait que la rak'a est toujours plus courte que la précédente. Ceci afin de repousser toute forme de lassitude. Sadisan, أن يكون ابتداء وقت الصلاة من الكسوف وانتهاؤها بالتجلي. Sixièmement, que la prière commence au début de l'éclipse et elle se termine lorsque le soleil ou la lune réapparaît. Et on avait vu la semaine dernière que doit-on faire si on termine la prière avant la fin de l'éclipse. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on demande le pardon, mais on ne refait pas de prière. Sabi'an, mashru'iyatu al-khutbah idha da'at al-hajatu ilayha. Septièmement, légiférer de faire un discours lorsqu'il y a un besoin dans cela. Thaminan, ibtida'u al-khutbati bihamdillah wa al-thana'i alayhi li'annahu min al-adab. Huitièmement, légiférer, ce que l'on retient de ce hadith, de commencer la khutbah en citant la louange d'Allah et en faisant les éloges d'Allah, car ceci fait partie du bon comportement. Tasi'an, bayanu anna ash-shamsa wal-qamara min ayati Allahi al-kawniyah ad-dallati ala qudratihi wa hikmatihi. Neuvièmement, que le soleil et la lune sont deux signes d'Allah céleste qui prouve la force d'Allah ainsi que sa sagesse, qui prouve la capacité infinie d'Allah ainsi que sa sagesse. Ashiran, كون الكسوف يحدث لتخويف العباد وتحذيرهم عقاب الله تعالى وقد قلنا إن هذا لا ينافي الأسباب العادية. Dixièmement, que l'éclipse a lieu afin de faire peur aux serviteurs et afin de les mettre en garde contre le châtiment d'Allah. Et nous avons dit que cela ne contredit pas les causes scientifiques. Cela ne remet pas en cause ou ne contredit pas les causes scientifiques. 11. إزالة ما علق بأذهان أهل الجاهلية من أن الكسوف والخسوف أو انقضاض الكواكب إنما هو لموت العظماء أو لحياتهم. 11. En tant que ce hadith, le fait d'éradiquer tout ce qui a été dans les esprits avant l'arrivée de l'islam, à savoir que les éclipses solaires et lunaires, ou bien les chutes d'astres, les étoiles, etc., que ceci avait lieu à cause de la mort d'une personne immense ou à cause de sa naissance. 12. الأمر بالدعاء والصلاة والصدقة عند حدوث الكسوف أو الخسوف. 12. L'obligation d'invoquer, de prier, de faire des aumônes lorsqu'une éclipse solaire ou lunaire apparaît. 13. أن فعل هذه العبادات يقي من عذاب الله وعقابه. 13. On retient de ce hadith que ces adorations citées précédemment, comme la prière, l'aumône, l'invocation, sont des actes qui permettent de se protéger du châtiment d'Allah. 14. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا وأنه من الكبائر التي يغار الله عند ارتكابها. 14. La mise en garde du prophète صلى الله عليه وسلم contre la fornication, et que la fornication fait partie des grands péchés qui envers lequel Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la ghayra contre celui qui le commet. 15. إثبات صفة الغيرة لله إثباتا يليق بجلاله بلا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه. قال الصنعاني رحمه الله: إذا وردت صفة من صفات الله تعالى موهمة بمشابهة المخلوقين كورود لفظ اليد والعين ونحوهما ومنه الغيرة، فقد اختلف العلماء في تلك الصفة هل يؤمن بها مع القطع بأنه تعالى ليس كمثله شيء، بأنه تعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا ذاته، ويوكل معرفة كيفيتهما وكيفية تعلقها بالله تعالى إلى الله ونجريها على ما أجراه الله تعالى ورسوله من غير تأويل ولا تكييف، وهو مذهب السلف هذه الأمة. والتأويل طريقة المتأخرين، والحق أن الأولى بالمؤمن اتباع الطبقة الأولى، فإنه لا يحيط بالصفة وكيفي لا يحيط بالصفة وكيفيتها إلا من أحاط بكيفية ذات الموصوف، فكل صفاته يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل، انتهى بتصرف يسير. 15. Il y a dans ce hadith l'attestation de l'attribut de la ghayra à Allah subhanahu wa ta'ala. Une ghayra qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de négation, ni d'interprétation, ni de ressemblance. On ne dit pas qu'Allah n'a pas de ghayra, on ne dit pas la ghayra d'Allah signifie en réalité autre chose, et l'on ne fait pas ressembler la ghayra d'Allah à la ghayra de ses créatures. Al-Imam al-San'ani, rahimahullah, a dit: lorsque des attributs d'Allah sont cités et qui peuvent faire comprendre une sorte de ressemblance avec ses créatures, comme le fait que le terme main ou œil ou autre soit cité, parmi ces termes, al-ghayra, eh bien les savants ont divergé sur cet attribut devons-nous y croire en attestant qu'Allah Azza wa Jal rien ne lui ressemble, ni dans ses attributs, ni dans son essence, et de remettre la connaissance du comment à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en citant ses attributs comme les ont cités Allah et son envoyé, sans faire d'interprétation, ni sans rechercher le comment. Et c'est la voie des salafs de cette communauté. Et l'interprétation est la voie des khalafs, de ceux qui sont venus après eux. Et la vérité, wal-haqqo, la vérité est que le croyant doit suivre les premiers, c'est-à-dire les salafs. Car ne connaît l'attribut et le comment que celui qui connaît l'essence de celui qui possède ses attributs. Et qui est le seul à connaître l'essence de celui qui détient les attributs? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, فَكُلُّ صِفَاتِهِ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا. Ainsi, tous ses attributs, il est obligatoire d'y croire, sans rechercher le comment, sans faire ressembler et sans interpréter. سادس عشر شدة ما أعده الله من العذاب لأهل المعاصي مما لا يعلمه الناس ولو علموه لاشتد خوفهم وقلقهم فقد رجح ما يوجب الخوف على ما يوجب الرجاء لما جبلت عليه النفوس من الميل والإخلاد إلى الشهوات وهو مرض خطير لا بد أن يقابل بما يضاده من التحذير والتخويف. Sixièmement, on retient de ce hadith la gravité de ce qu'Allah a préparé comme châtiment pour ceux qui lui désobéissent. Une gravité que les gens ne connaissent pas. Car s'ils connaissaient cette gravité, ils auraient extrêmement peur et seraient extrêmement angoissés. Car ce qui implique la peur a pris le dessus sur ce qui implique l'espérance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez, moi et vous pleuriez beaucoup. C'est-à-dire que ce qui incite le musulman à redouter Allah et à redouter son châtiment, à redouter le châtiment d'Allah, est plus grave et plus important que ce qui nous inciterait à espérer la miséricorde et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Car les âmes ont été créées en min al-mayl wa al-ikhlad ila al-shahawat, en ayant une déviance vers les tentations. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Que l'âme appelle au mal sauf celle qu'Allah Azza wa Jal a fait entrer dans sa miséricorde. Donc, l'être humain a été créé de telle sorte qu'il dévie plus vers les tentations. Wa huwa maradun khatir. Et c'est une maladie grave, le fait de tendre vers les tentations. La budda an yuqabal bima yudadduhu min at-tahdhir wa at-takhwif. Il est obligatoire de faire face à cela en se rappelant, en citant le contraire de ces tentations, c'est-à-dire les choses qui viennent mettre en garde contre celles-ci et qui viennent faire peur et citer le châtiment qui découle de celles-ci. Sabi' ashar, inna Allah subhanahu wa ta'ala yatla'u nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ala ulumin min al-ghayb la tahtamilu al-ummatu ilmaha. 17. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait voir à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam des choses en rapport avec l'invisible, des choses que sa communauté ne connaît pas. Des choses que sa communauté ne connaît pas. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.